que tu fais? Je joue avec la porte de la voiture. Tout de suite? Oui. Faisons un petit tour. On devrait faire un petit tour. Et si on allait au Portugal? Il est midi moins 5. Ça s'appelle comment une fille? Au Portugal. Le coiffeur, il va venir vous voir. Ah oui, ouais. D'accord. Enfin, il n'ose pas trop, mais... Oh, il y a longtemps. On arrive. Allez, bonne soirée.